jaloux rêveraient de nous voir échouer. La la la. Quand on croit qu'ils ont la haine parce qu'on est doué. La la la la. Je crois que les jaloux rêveraient de nous voir échouer. La la la. Quand on croit qu'ils ont la haine parce qu'on est doué. Petite merde, tu me croyais mort. Je t'ai dit pour l'intérêt, mais t'avais tort. Les vrais le savent quand je dors. Même pas je sors. Si je pars d'en bas gros, c'est pour arriver plus fort et aller barrer bout de là. Les gars, j'ai plus le temps. Faut passer de la maille, maille qui casse, casser les dents. Et d'accord, c'est qu'on se casse. On laisse parler les gens. Appelle mon mot et je monte à Paris vers les champs. Histoire de quitter le ghetto. Arrêter le bédo. Pour un avenir meilleur, ouais, faudra se lever tôt. Passe-moi un gros pet, je mets tout. De barrer, je mets tout. Petite série de pompée, là, ça y est, je m'essouffle. Faut que ça devienne chaud parce qu'ils jouent tous les ans pas. Demande à Bali, beaucoup de tous qui sont pas. Ils vont tous les trompes, tu sors te trompes pas. C'est comme une musique, toi t'es pas prêt pour le combat. Il faut s'accrocher, non, pour ton ne laisse pas tomber là. Faut plus que t'as fait pour sortir le Panamère. Ils prennent pas ton nu, c'est même pas des manies libères. Reconnais tes ombres. Il faut s'accrocher, non, pour ton ne laisse pas tomber là. Faut plus que t'as fait pour sortir le Panamère. Ils prennent pas ton nu, c'est même pas des manies libères. Reconnais tes ombres. Il faut s'accrocher, non, pour ton ne laisse pas tomber là. Faut plus que taper pour sortir le Panamère. Les peines pour tomber, c'est même pas des manies libères. Qu'on est fait en verre. Il faut s'accrocher, non, pour ton ne laisse pas tomber là. Faut plus que taper pour sortir le Panamère. Les peines pour tomber, c'est même pas des manies libères. Qu'on est fait en verre. Demande à CSR, les adversaires sert. On fait des thunes, rien à foutre que le commissaire sert. Ça fume des terres, H24, on est sur les nerfs, frère. Poteau vaut mieux faire les choses soi-même que de les faire taire. Y'a plus de principe, aux gens perdent mer terre. Nos jours ça respecte l'oseille, nos respect mer terre. Friand de poly, imagine Rottenberg. Je vois la jeunesse sous morphine, ça plane avec un joint d'herbe. Très peu pratiques, ils sont très forts dans la théorie. Besoin des spin feuilles, j'ai pris des météorites. Ce qui compte c'est l'oseille dans toutes les catégories. Poteau ils me font les hommes de foi, ils ont dépassé horrible. Au poste ils balancent, au texte ils font les déterres. Ailleurs ils font la guerre calache contre des pierres. Ils nous divisent, créent des problèmes communautaires. Ils ont des salaires à 5 chiffres, ils nous parlent de crise monétaire. Il faut s'accrocher, non, quand on ne laisse pas tomber là. Faut plus que taper pour sortir le Panamère. Ils prennent pour tomber, c'est même pas des manies libères. Reconnais tes ombres. Il faut s'accrocher, non, quand on ne laisse pas tomber là. Faut plus que taper pour sortir le Panamère. Ils prennent pour tomber, c'est même pas des manies libères. Reconnais tes ombres. Il faut s'accrocher, non, quand on ne laisse pas tomber là. C'est même pas des manies libères. Il faut s'accrocher, non, pourtant ne laisse pas tomber là. Ils prennent pour tomber, c'est même pas des manies libères. Je crois que les jaloux rêveraient de nous voir échouer. Pourtant je crois qu'ils ont la haine parce qu'on est doué. Je crois que les jaloux rêveraient de nous voir échouer. Pourtant je crois qu'ils ont la haine.